l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Orner pourrait être synonyme de décorer. En musique, qu'il soit appoggiature, mordant, trill, gruppetto, les ornements sont des petites notes qui viennent s'ajouter à une ligne mélodique pour la décorer, si ce n'est qu'ils ne font pas tout à fait que ça. En agissant sur le grain de l'instrument, ils viennent mettre le jeu de l'instrument sur d'autres plans. Au cours de ce numéro de Métaclassique, nous allons donc explorer les différents ressorts de l'instrument avec deux invités, tous les deux pianistes, Gianni Campello qui enseigne le piano au conservatoire de Puteaux dans les Hauts-de-Seine et qui est rédactrice pour le portail Classic News, et le pianiste Clément Lefebvre qui vient d'enregistrer sur le label Evidence son premier disque solo où il interprète des pièces écrites initialement pour le clavecin par les compositeurs français du XVIIIe siècle, François Couperin et Jean-Philippe Rameau. Un extrait de Gavotte et six doubles de Jean-Philippe Rameau par Clément Lefebvre au piano. Bonjour Clément. Bonjour. Lefebvre. On écoute pour ouvrir cette émission cette pièce parce qu'on entend bien se détacher d'une ligne mélodique quelques ornements, lesquels ? Alors là précisément, justement, comme l'indique le titre, c'est une gavotte et c'est six doubles. Donc vous avez pu entendre l'énoncé du thème. Dans son plus simple habit, on va dire, et ensuite il est suivi des doubles. Donc les doubles, c'est une ornementation à la française qui consiste donc à enjoliver le thème sans, euh, sans changer la structure rythmique et l'ossature harmonique. En fait, on peut entendre l'air de la gavotte en filigrane tout au long des six doubles. Donc là, on a eu droit aux deux premiers, mais voilà, c'est six doubles comme ça. Donc il passe de la main droite à la main gauche, des voix intermédiaires, et c'est une manière d'ornementer et d'utiliser le clavecin à l'origine. Là, c'est au piano, mais d'utiliser l'instrument dans tous ses registres. Vous dites en filigrane, ça veut dire que l'un des pouvoirs de l'ornement, c'est de mettre le thème ailleurs. Oui, voilà, de pouvoir le garder à l'oreille et d'en faire comme un écho, en fait, et de le sublimer à l'aide des doubles, à l'aide de ces ornementations qui... Enfin voilà, c'est ça, on continue à caractériser le rythme, ça c'est très très important, je trouve. Parce qu'il y aurait un risque effectivement à perdre la valeur rythmique en cours de route tellement l'ornement pourrait prendre toute la place. Mais moi je ne trouve pas, en tout cas c'est comme ça que j'ai voulu interpréter, parce que justement on a quelque chose de très carré, c'est quatre doubles, c'est des doubles croches, donc quatre doubles par temps, par noir, et donc il y a quelque chose de très structuré et qui se veut dansant là en l'occurrence, parce que la gavotte c'est aussi une danse. Et pour moi, c'est déjà le thème est très caractérisé rythmiquement, mais je crois que ces doubles après vont aider ça et vont donner davantage de rythme jusqu'à la dernière, c'est qui est le point culminant. Dans la galerie des ornements, c'est sans doute à cette époque-là de l'histoire, au milieu du XVIIIe siècle, qu'on a le plus large panel. Oui, mais j'imagine. En tout cas, c'est à ce moment-là, je crois que les choses ont été vraiment théorisées. Enfin, il y a eu des traités et on laissait les interprètes libres, je crois, à l'époque d'ornementer ou pas, d'agrémenter. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, Rameau, Couperin aussi, ont fait partie des compositeurs qui ont voulu écrire très précisément ce qu'ils voulaient. Et on a vraiment des ornements et des agréments en tout genre, oui. Jeannie Campello, bonjour. Bonjour David. Vous enseignez le piano au conservatoire de Puteaux dans les Hauts-de-Seine, mais vous êtes aussi rédactrice pour le portail Classic News. Voilà. Et vous avez travaillé précisément assez récemment sur l'ornement, même si vous le pratiquez tous les jours oui, au piano. Dans ce qu'on vient de se dire avec Clément, il apparaît cette idée un peu d'illusion, c'est-à-dire que le thème passe un peu en second plan, mais en même temps on joue de son retrait, de sa cachette. Oui, c'est tout un jeu effectivement qui tente à faire perdre le fil un petit peu, mais en même temps l'ornement ne compromet jamais l'infrastructure très solide qu'il y a derrière, la construction. C'est une infrastructure impassible et l'ornement est là qui enjolive, qui agrémente, c'est une parure, c'est aussi, on en parlera, je pense, tout à l'heure, quelque chose qui peut provoquer des émotions, qui peut avoir une fonction aussi structurelle, mais qui ne compromet jamais l'équilibre, même si on peut s'y perdre dans toutes ces circonvolutions et toute sa richesse, toute la richesse qu'il met dans le, qu'il ajoute à la pièce. À jouer avec la structure sans jamais la compromettre, on peut dire qu'il est cependant jamais totalement que décoratif, puisqu'il peut devenir générateur, voire procédé de composition. Absolument, oui. Et du reste, avec Couperin et Rameau, on a deux approches assez différentes, somme toute, de deux compositeurs français qui, malgré tout, se rejoignent dans le fait que l'ornement est là en élément structurant. Peut-être davantage chez Couperin, parce que l'ornement vraiment est partie intégrante de la ligne mélodique. Au point voilà. Que l'on peut suivre les ornements presque un à un en se laissant aller à oublier le référent de thème. Oui, c'est possible. Enfin, je pense qu'à l'époque baroque, on ne sait pas comment ils jouaient. Hein. On risque de ne jamais le savoir, mais à l'époque baroque, je pense qu'il y avait des codes quand même et qu'il y avait un goût, une famille, le goût et la façon de conduire la musique était assez familière pour ceux qui l'écoutaient. Donc, je crois que en final, ils ne devaient pas perdre de vue quand même le fil du discours à travers ces multiples ornements qui fleurissaient partout, c'est Rémy Stricard qui disait le baroque en est ivre, hein, et il se grise de ses sens, il en grise même l'essence, voilà, plutôt. On va écouter Justin Taylor interpréter La Superbe, qui est un extrait du troisième livre de pièces pour clavecin de François Couperin, au clavecin. Taylor interprétant La Superbe, extrait du troisième livre de pièces pour clavecin de François Couperin. Justin Taylor qui, dans l'article que vous signez, Jenny Campello, dans la revue Pianiste, spécifie « Il ne s'agit pas d'attaquer l'ornement, mais l'entamer avec douceur. » Il faut faire entendre que c'est une note additionnelle et donc pas tout à fait une vraie note ? Je ne sais pas s'il l'entend vraiment comme ça lorsqu'il dit cela. Je pense qu'il faut le faire entendre, bien évidemment, mais il faut aussi que l'ornement se glisse en douceur dans le fil du discours, de la phrase musicale, soit plaisant à écouter. À l'époque, les ornements, on les appelait aussi des notes de goût. Et... tout repose vraiment sur cette question du goût. La façon dont on réalise l'ornement est effectivement très importante parce que c'est ce qui va faire que la beauté de la pièce ou au contraire la détruire si on le réalise mal, le paradoxe avec brusquerie. Le paradoxe voulant, alors que ce sont des notes qui font le style sans faire le discours. Ah si, elle participe du discours, bien évidemment. Ouais. Elle participe du discours, notamment beaucoup chez Couperin, puisqu'elles sont porteuses d'émotions et ou parfois de sens pittoresque même. Chez Rameau, c'est un petit peu différent peut-être. Peut-être Clément, tu vas... Moi, en fait, j'allais ajouter que... ça ne peut pas être que de la douceur, parce que ça dépend de l'expression. Ça dépend du sens expressif qu'on leur donne aussi. Parce que, par exemple, Je pense à la pantomime de Couperin ou alors à l'Arlequin. L'Arlequin, c'est clairement des grelots. Enfin, ça signifie des grelots vraiment sur chaque temps. C'est comme vraiment des tremblements. Et donc, il y a bon, c'est oui, ça veut dire que ça vient des éléments mimétiques dans ce cas-là. Oui. Et là, c'est carrément un élément rythmique vraiment très important qui relance chaque premier temps. La pantomime, c'est des claquements de mains, des temps forts sur les pieds aussi. Donc, bon, c'est les ornements peuvent avoir une qualité vocale, mais peuvent aussi avoir un sens rythmique, appuyer des temps soit forts ou alors des temps qu'on n'attend pas justement pour jouer avec le rythme et la structure. Donc ça ne peut pas être que doux à mon sens. Voilà. Mais dans les pièces de Rameau que vous enregistrez, Clément Lefebvre, on entend bien les strates du discours très hiérarchisées, c'est-à-dire on sait qu'est-ce qui est où, là où dans la pièce que l'on a entendue interprétée par Justin Taylor, il y avait des ornements aussi bien à la main gauche qu'à la main droite, si bien qu'on ne savait plus laquelle des lignes portait l'autre. Oui. Après, évidemment, ça dépend de l'écriture. Chez Rameau, on peut avoir ça aussi plutôt dans l'allemande ou la courante, mais surtout l'allemande, c'est vrai, où vous avez peut-être des lignes de basse qui s'émancipent aussi, et donc on aura des tris. Je pense surtout dans les cadences, on a un chant qui se dégage vraiment dans la main droite, et donc là des ornements vraiment vocaux, purement, c'est quelque chose de purement vocal, et la main gauche qui va venir prendre de l'importance, qui va descendre dans les basses. Donc on imagine surtout jouer au clavecin que c'est l'instrument qui se met en vibration vraiment dans les graves comme ça, et on joue avec ça, avec des tremblements dans la main gauche. Et au piano, on peut en rajouter encore plus, vraiment en appuyant ces graves et en jouant avec l'ampleur instrumentale qu'on peut avoir. Et donc, on brouille aussi les pistes comme ça. Ce n'est pas seulement le chant qui peut profiter de ces ornements. Voici un extrait de cette allemande par vous-même, Clément oui. Lefebvre. Justin Taylor dit « L'aspect mélodique absolument primordial est plus facile à réaliser au clavecin en raison de la légèreté de son clavier et de la sensation tactile de pincement des cordes. » Comment transposer cette caractéristique au piano ? Lui, il joue des deux instruments. Clément Lefebvre, vous prenez le parti de jouer au piano ce répertoire-là, ça suppose des aménagements ? Mais c'est-à-dire que je ne suis pas du tout claveciniste. Oui. ça suppose des aménagements, oui. Après, honnêtement, je dois dire que les choses se sont faites assez naturellement. J'ai réussi à écarter tous les doutes possibles. En fait, c'est vrai que quand j'ai posé la musique sur le pupitre, que ce soit Couperin ou Rameau, bon, au début, vraiment, j'étais pas fier. Je me demandais vraiment ce que j'allais pouvoir faire de ça et comment rendre service à cette musique avec le piano. Et finalement, les questions se sont assez vite envolées, enfin les doutes se sont envolés, on va dire. Et ils ont vraiment laissé place au plaisir que j'avais de jouer ce répertoire au piano. Et j'ai retrouvé, là en l'occurrence avec Rameau, quelque chose de très lyrique. Et donc le piano est quand même bien placé pour rendre cet aspect lyrique. Il y a un plaisir de l'harmonie aussi qu'on retrouve, que ce soit dans les arpèges, enfin voilà, avec des basses vraiment opulentes. Et enfin, je pense que le piano peut rendre service sans problème. Et surtout, il offre un panel de jeux et un jeu de textures différentes qui est quand même très très riche. On peut utiliser la pédale sans problème, donner beaucoup de profondeur et jouer avec les dynamiques. Et donc, je pense que le piano aide aussi à caractériser énormément les choses, dépeindre les différentes scénettes chez Couperin ou les différents portraits, et rendre presque opératiques les éléments rythmiques chez Rameau. Il n'a pas les mêmes lyriques, pardon. Il n'a pas les mêmes fonctions dramatiques. Gianni Campello, le tri, on dirait, est donc ce yo-yo-yo, oui. est un ornement pas tout à fait comme les autres. Non, pas tout à fait comme les autres, et il n'est pas utilisé non plus de la même façon suivant les compositeurs, et même suivant, là on parle des compositeurs français, mais il y a aussi les compositeurs à l'époque baroque, les Italien. Compositeurs italiens, et puis allemand. Bach, les compositeurs allemands qui aussi ont une grande importance et on aborde l'ornement de façon aussi assez différente. Prenons le cas de Scarlatti, Domenico Scarlatti, dans ses fameuses 555 sonates, donc utilise abondamment l'ornement et notamment le trille. Et le trille dans la musique de Scarlatti, c'est un trille qui est assez fréquemment mécanique. C'est-à-dire qu'enfin, quand je dis mécanique, ça n'est pas péjoratif, simplement qu'il sert à prolonger le son du clavecin artificiellement. On en revient à notre artifice. Donc, il sert à cela. Faute de résonance, comme c'est un instrument très sec, on va lui donner un écho par le trille. Voilà, un écho, une brillance, et prolonger le son. Voilà, donc le trille a cette fonction-là, parfois. Après, on le traite peut-être différemment lorsqu'on interprète Bach, ou Couperin, Rameau, où là c'est peut-être un petit peu plus complexe. Parce Mais que surtout ça, l'ornement, le sens premier est expressif. Il sert pas, enfin, en tout cas beaucoup moins souvent à pallier les limites instrumentales. Enfin, c'est rhétorique, c'est voilà, est vraiment expressif. Et d'une façon plus générale, chez Couperin, l'ornement est vraiment, enfin, Couperin tient vraiment à ce qu'on réalise l'ornement très précisément de la façon dont il les a écrits. Pour lui, l'ornement est intimement lié au clavecin et à l'instrument. C'est presque pour ça qu'il publie ses partitions, c'est pour qu'on le joue de façon beaucoup plus fidèle. Et l'ornement n'est absolument pas une diversion à la composition, mais en fait partie vraiment intégrante. Complètement, c'est une musique, la musique est vraiment organique, c'est un élément organique de sa musique, et contrairement à Bach qui lui va écrire une musique qui va être interprétée sur différents instruments, l'orgue, le clavecin notamment, Couperin non, Couperin compose pour le clavecin. Lorsqu'il compose pour l'orgue, c'est autre chose. Pour les autres instruments, la viole, etc., encore autre chose. Mais à l'époque romantique, ça prend encore un autre statut. Si on reste sur cet ornement en particulier qui est le trille, ça devient une espèce d'élément granulaire qui vient toucher le timbre. Mais on voit ça chez Chopin aussi. Enfin, ça dépasse vraiment le trille simple. Peut-être qu'on en parlera après, mais on a l'héritage du mélisme aussi, qui sur une note, avant de résoudre cette note, on va se permettre de parcourir le clavier entier, et tout en ayant une sensation de suspens, et enfin finalement on arrive à la résolution. Et moi, je voulais juste revenir à Couperin qui édite ses partitions pour être sûr qu'elles soient bien jouées, et avec des notations vraiment très précises sur la manière de réaliser les ornements. C'est que ça m'a posé pas mal de problèmes de conscience, parce que je me suis dit, c'est vrai que quand même, s'il veut que ce soit réalisé à la note près, bon, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de jouer ça au piano, qui n'est pas du tout son instrument, et en plus sans du coup pouvoir réaliser les agréments comme il le voulait. Et finalement, je pense que oui, parce que sa grande priorité, c'était que ses œuvres soient jouées avec le bon goût. Et enfin, bon, je pense qu'on peut partir du principe que le bon goût évolue avec le temps, que l'oreille change, le public n'est plus le même, et que le bon goût d'aujourd'hui, peut-être, est de pouvoir adapter les ornements avec l'instrument, comme le piano, par exemple. C'est Wanda Landowska qui faisait une espèce de pont entre Couperin et Chopin, puisqu'elle surnommait Chopin ce Couperin teinté de romantisme. Oui. Écoutons le Nocturne opus 27 numéro 2 de Chopin, interprété par Jean-Paul Gaspari. Vous écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel. Jean-Paul Gasparian, dans ce Nocturne Opus 27 numéro 2 de Chopin, on a l'impression que l'ornement va aider la mélodie à passer les paliers, à mettre en scène le parcours harmonique, Gianni Campello. Oui, David, oui, c'est exact. Quand vous parlez de mise en scène, oui, il y a une forme de théâtralité. Ici, c'est peut-être un bien grand mot, mais disons qu'on est, on se rapproche plutôt d'une scène d'opéra. Chopin aimait beaucoup la voix, et notamment l'opéra, le bel canto, Bellini. Et ici, on entend très nettement justement ce côté vocal, cette vocalité, ces courbes infinies dans la ligne mélodique qui se déploie encore une fois sur cette base, cette basse hypnotique, impassible. Et c'est en même temps une musique d'atmosphère, c'est aussi une musique où l'ornement s'habille de virtuosité par endroits. Donc là où la virtuosité fait appel à quelque chose de typiquement pianistique, donc c'est quand même tout de même assez complexe chez Chopin, mais ce qu'il en ressort, c'est ce côté effectivement très vocal, voilà, où là on sort du cadre baroque complètement. Et qui fait qu'on peut avoir de la virtuosité alors même qu'on est dans une extrême douceur. Oui, mais complètement, oui. Et c'est même ce qui rend la virtuosité encore plus impressionnante. C'est quand on arrive à rendre l'expression très douce, que les choses sont simples et en même temps... Là, chez Chopin, ce qui est fascinant, c'est que pour passer d'une note à une autre, on a des guirlandes comme ça, une multitude de notes, et c'est tout un cheminement extrêmement complexe si on décortique vraiment, et qui rend extrêmement expressif tout le discours. C'est ce qui structure vraiment la ligne mélodique. Si on enlève toutes ces guirlandes là, on a quelque chose de pas de plat, enfin ce serait trop péjoratif, mais de beaucoup plus simple. Donc c'est... Enfin, là, c'est vrai que l'ornementation, en l'occurrence, donne son essence à l'expression. Cette dimension vocale, elle nous emmène presque aux origines de l'ornement que l'on pourrait trouver dans le chant grégorien. Quand à une note, on va ajouter un neume, pour ne pas dire un mélisme. Oui, absolument. Alors, le mélisme, oui, est attaché... vraiment à la voix, puisque le propre de la musique grégorienne, c'est de la musique sacrée, c'est de la musique vocale. Et donc le mélisme, c'est une broderie en fait sur une syllabe, une seule syllabe. Donc on n'est pas tout à fait dans le verbe, on est vraiment dans quelque chose quand même d'ornemental. Donc on peut dire que le mélisme peut-être peut-être pas à précéder l'ornement, mais a un lien très fort avec l'ornement réalisé à l'instrument qui se développe au XVIIe siècle avec justement le développement de la musique instrumentale, notamment le luth et le clavecin. Et puis dans le mélisme, c'est justement en opposition au style syllabique, donc c'est une seule consonne qui donne lieu à une multitude de notes, et chez Chopin c'est ce qu'on a aussi, c'est ce qui rend la virtuosité impressionnante, on en revient à la douceur. On n'a pas de consonne, enfin, on a, c'est très fluide, c'est très aquatique. Et donc c'est pour ça qu'effectivement on peut faire un parallèle avec le mélisme. Mmh. On n'a que de la voyelle. Oui. Avec quelques à-coups. On va écouter un extrait du Miserere d'Allegri qui en effet permet de très bien distinguer comme ça ces notes tenues ajoutées de quelques mélismes. Thank you. Cet extrait du Miserere d'Allegri nous fait entendre comme le mélisme ne se soucie pas, à la différence de la musique très discursive du XVIIIe siècle, du cadre, de la mesure même, comme si l'ornement nous détachait d'une nécessité de mesurer son temps. Que pensez-vous de cette idée, Dani Campello ? Oui, c'est vrai. Encore une fois, c'est une musique qui est liée au sacré, au spirituel, et donc on n'est plus dans la même temporalité. Le temps semble ne plus être mesuré, effectivement, et ces ornementations, ces mélismes sont suspendus comme ça. En fait, c'est jouir pleinement du son, pour le son, pour la vibration occasionnée et par le mélisme même. On s'exprime au point de ne plus s'exprimer que pour s'exprimer. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment là, pour le coup, ce qui rentre en opposition avec Chopin, ce que là, on a pu entendre. Donc, on va dire ces mélismes, toutes ces guirlandes de notes, mais qui sont très cadrées par une main gauche qui ne bouge pas comme ça. Et finalement, je trouve que ça renforce l'expression, parce qu'on a une sensation de liberté extrême avec la main droite. Et on oublie ce cadre, ou alors on le perçoit comme quelque chose de, je ne sais pas si c'est rassurant, de stable, mais et bon, voilà, c'est vraiment l'une des principales choses en dehors de l'harmonie, et voilà, mais qui est. Mais ça veut dire qu'on a évolué. Comme ce qu'on appelle le rubato, c'est-à-dire cette espèce de levier qui fait qu'on se détache de l'hyper-régularité de la pulsation pour se laisser porter par le matériau. Et on a déjà ça dans une certaine musique baroque très ornée. Je pense par exemple aux Fantaisies de Telemann. Je vais vous faire écouter un extrait, vous allez me dire ce que vous en d'accord. pensez. D'accord. Écoutons. Ce serait du récitatif, Clément Lefebvre ? En tout cas, ce qu'on a pu entendre là, ça s'apparente au récitatif, oui. Enfin, je trouve, bon, c'était un extrait de quelques secondes. Il faudrait qu'on puisse avoir... j'ai pris le moins mesuré, oui, parce oui, que après, c'est vrai oui, qu'il y a le retour sûr, à la danse sûr, qui marque que son temps. J'ai fait une petite enquête sur l'étymologie du mot « ornare », qui, par aplologie, c'est-à-dire amuissement d'une syllabe, viendrait de « ordinare », qui veut dire « mettre en ordre, organiser ». C'est dire à quel point la dimension décorative, elle n'est que secondaire, que à la base, l'ornement est on ne peut plus structurel, si on repense à l'architecture. Ah oui, tout à fait. Alors, si on fait le lien vraiment à l'architecture et aux autres formes d'art, la peinture ou l'art des jardins, effectivement, c'est une façon d'organiser et d'organiser l'espace et qui est très rigoureuse, qui est intégrée à la structure même, à la construction même. Et c'est vrai que l'ornement à proprement parler est beaucoup plus ancien qu'on ne pourrait le penser simplement en se référant à la musique. L'ornement en architecture, il nous renvoie à l'Antiquité, même chez les Grecs, chez les Romains aussi, avec les ordres, les fameux ordres, ne serait-ce que les chapiteaux des colonnes, étaient des éléments ornementaux qui étaient déjà très codifiés et très partie prenante de la structure et de l'architecture, avaient une fonction aussi architecturale. C'était l'entablement des colonnes, le mot ornamentum. Alors, on le trouve aussi chez Plaute pour désigner le costume au théâtre. Ah oui. D'accord. Oui. Et dans le vocabulaire militaire, Sénèque apparemment l'emploie le mot ornamentum pour parler de l'armure. Donc on est dans cette logique de ce que ça nous confère un rôle, l'ornement. Ce n'est pas que quelque chose qui nous habille. Totalement, oui. Oui, c'est en fait quelque chose qui cache... qui cache, mais en tout cas qui habille, qui maquille, mais qui est partie intégrante aussi. C'est très complexe à expliquer, mais qui est très partie intégrante d'une structure qui est là bien présente et qui est fondamentale. En fait, l'ornement va apporter peut-être la notion illusoire, encore une fois, de mouvement. Que ce soit dans l'architecture ou dans la musique, en fait, l'ornement nous fait perdre la notion d'immobilité que la structure impose. Alors, il y a un endroit où l'ornement va devenir générateur, c'est la variation, c'est-à-dire qu'il a l'air de venir modifier un thème, mais ce faisant, il fait une nouvelle composition. Oui, tout à fait. Alors, la variation, oui, à l'époque baroque et à l'époque classique, c'est peut-être prendre un objet et puis le garder cet objet et le mettre sous différents éclairages. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, oui, Clément? On peut dire les choses comme ça. Et du coup, on peut aussi revenir au double de Rameau. C'est l'ancêtre, en quelque sorte, c'est l'ancêtre de la variation. C'est-à-dire, c'est le principe même d'avoir un thème principal et de l'embellir, ou enfin voilà, de lui donner un habillage différent, une lumière différente. Voici la 11e variation du thème et 12 variations de la 6e sonate Köchel 284 de Mozart par Fazil C. D'autant mieux qu'il s'agissait de variations, qu'il y en avait deux, mais en les écoutant, on se disait que séparément, précisément, on n'avait pas cette dimension brillante de certaines variations baroques, façon Corelli, ou même certaines variations romantiques, puisqu'on est vraiment dans la jouissance de l'expression que l'ornement vient permettre. C'est ça, et principalement dans la première qu'on a pu écouter, c'est encore cette liberté qu'on peut retrouver dans la ligne qui est ornementée, et très cadré par la main gauche. Donc c'est l'art du rubato, de prendre du temps pour le redonner, et là ce rubato se fait assez naturellement, de manière très écrite, parce que c'est donc une ligne comme ça qui se déploie, et avec une base d'Alberti qui reste, qui elle ne bouge pas, qui est comme un chef d'orchestre, mais un chef d'orchestre sans enfin voilà, pas non plus trop rigoureux, mais... Et la base d'Alberti, c'est le ta-da-da-da, ta-da-da. C'est ça. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est ça que Mozart utilise abondamment, Haydn aussi. Oui, oui. Voilà, mais Mozart, effectivement, avec les variations et les ornements, déploie toute une gamme de sentiments, d'expressions. Alors, un peu plus tôt, dans le XVIIIe siècle, on avait un autre mot qui était l'agrément. C'était pas la même chose ? Alors, l'agrément, c'est pas tout à fait la même chose. Disons que c'est un ornement. Déjà, le mot, l'étymologie du mot, c'est, on a le mot agréé, donc plaire, à l'intérieur. Et c'est un ornement qui est attaché à une note, effectivement, qui est codifié. Alors que l'ornement peut porter plutôt à la phrase. Oui. Oui, on peut dire les choses comme ça. Et l'agrément est codifié, il a tout un vocabulaire, notamment dans les traités, que ce soit chez Couperin, Rameau, il y a le pincement, le tremblement, le port de voix, le mordant, je ne sais pas, tu peux en citer d'autres, Clément. Tu as cité tous ceux qui me venaient. Ah, vous avez fait une liste presque exhaustive hein, dans la revue Pianiste. Il y a aussi le gruppetto, le tri avec le préparation. Gruppetto. Ah oui, parce qu'on a plusieurs types. Et puis l'appoggiatura. Alors l'appoggiatura, c'est un ornement qui vient avant la note qu'elle orne. Oui, l'appoggiatura, oui, c'est un mot qui vient de l'italien. Et qui se pose, il y a deux sortes d'appoggiatures, hein, et sont ces petites notes indiquées sur les partitions, certaines sont barrées, d'autres pas, donc il y a des appoggiatures longues et des appoggiatures brèves qui s'apparentent au port de voix, c'est-à-dire qu'elles viennent diminuer la durée de la note qui suit en principe. À l'époque baroque, on joue l'appoggiatura sur le temps en principe. Pour faire attendre une note et la rendre d'autant plus savoureuse quand elle arrive. On a évoqué tout à l'heure l'idée que Couperin notait donc bien ses agréments, puisque lui parlait bien d'agréments, là où on peut très bien imaginer que ce sont les interprètes qui ajoutent des ornements plus tard dans le XVIIIe siècle. Oui, tout à fait. Les interprètes non seulement ajoutent des ornements, mais également peuvent aussi réaliser les ornements écrits, notamment par Mozart, à leur manière, dans une certaine mesure, bien évidemment. Mais Mozart n'avait pas la même exigence que Couperin, par exemple, pour la réalisation des ornements, pourvu que ce fût fait avec goût. Donc, du moment que c'était joli. Donc, ce qui se passe, c'est que dans l'écriture de Mozart, dans l'écriture des sonates, on trouve des reprises. Dans les mouvements de sonate, le plus souvent, on a deux reprises. Et à chaque fois, évidemment, si on joue la reprise de la même façon qu'on a joué la première exposition, ça n'est pas très intéressant en soi. Donc, en fait, Mozart laisse la liberté à l'interprète d'ajouter, en gros, sa patte, son talent d'improvisateur, et pour apporter des ornements, ajouter des petites choses dans les reprises qui font que l'interprète aura aussi peut-être ce rôle de, quelque part, parachever l'œuvre, si on peut se permettre de dire cela à propos de la musique de Mozart. Mais Mozart a aussi cette... Ou du moins, l'œuvre ne s'achève que par son exécution. L'œuvre ne s'achève que par l'exécution, effectivement. Elle n'est pas seulement ce qui est écrit sur le papier. Et il y a cette dimension. Mozart était un improvisateur. C'est ça, c'est que aussi là on aborde l'ornementation comme élément d'improvisation. Et comme on a pu le dire tout à l'heure, le bon goût change. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que c'est assez rare tout de même de trouver des interprètes qui, aux reprises, décident d'ornementer beaucoup pour faire entendre différemment. Peut-être que le fait de faire entendre différemment passe par d'autres outils, avec un jeu de nuances différentes, un jeu d'articulation peut-être, mais on ornemente, mais sûrement moins qu'avant. On se permet peut-être moins cette liberté, on est moins improvisateur, je ne sais pas. Mais... Pour terminer, nous allons vous écouter, Clément Lefebvre, interpréter Les Trois Mains de Rameau. Avec plaisir, oui, oui. Ça veut dire que vous avez une troisième main ? Si seulement, non, en fait c'est un jeu d'écriture, ça veut dire que très souvent la main gauche vient passer au-dessus de la main droite pour donner l'illusion d'avoir une troisième main. Donc on revient dans cette dimension illusionniste. Voilà, c'est très ludique en fait, assez amusant à voir, à jouer aussi, mais à voir surtout de la part du public. Eh bien, merci beaucoup Clément Lefebvre, merci Jeannie Campello. Et je rappelle que si vous avez raté le début de cette émission, vous pouvez la réécouter sur metaclassique.com.